Wesh Nino, quad 9. Nino, quad 9. Trace bloc. Voilà, montrer ses commandes. Voilà. Yes, side. Bang, fuck. Impliqué recto verso. Les hommes ou les meurs, les bancs. Le vin se produit les plans. Les vrais bonhommes, les pompes. La balle en fer autour. Romer. Saint-Jean sous Jack Connais. C'est mal sous Jack Connais. Fleury, bois d'arbre. Mener sa vie dans la drogue. Ma vie n'est rien sans argent. Mon vieux mourir dans un porche. Que de sourire à un porc. Sur les deux yeux des droites blanches. Romer. Voilà, y'a la phare comme d'apolocation avec tous les 10. Kermes dit à ta bêtise qu'elle ramène ses copines. Le labo se transforme en chaotique. De la street, Romer Vert amène la vocaliste. Assure qu'elle crie au lit. Oh, j'pense comme un jeune boss. Pense qu'avec Méodie. Toi tu marches avec qui? Ma gueule t'es indécis. On sait qui sont les purs, mais les gros pas coupés. Les vrais les gros. Nous c'est le trash bloc gang. Et négro toi t'es qui? Hein? Ce soir je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre. Ce soir je ne dors pas, remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir je ne dors pas, remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre. Tout est transparent dans le revêt. Si t'es avec nous, tu vas pas te relever. Quelques potions de shit, quelques sachets le sait. On fait que s'enivrer comme des martiniquais. La vodka des bouteilles de cristalline. Au que je la sert les vitamines. J'entends la maniana, je vis la nuit. Oh putain, c'est trop bon la vie d'artiste. Et si je passe du vinaigre au miel, ces putains d'abats viendront butiner. Maman rêvait d'avoir une cheminée. Qu'on a fini dans le bâtiment. Ce franc côté Chicago, pétard sous la ceinture. Dans le verre, ce n'est pas de l'eau. L'enfer dans l'élixir. Ce soir, je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir je ne dors pas, remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre. Ce soir je ne dors pas, remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir je ne dors pas, remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre. Les bitches sont au pied à la poire. Assaut 5, cherchez la voix encore. Saint-James, Jack Daou, Damois. Zomé, Chipson, Rabat. Là-bas, t'es très cramé. Héros, CC, B plus, Dechi, Soupo, Mission, Oro, 14, 17, Neveu, moi et mes types. Trash Block, Nino, mettre la fessée. Nous tester, faudra renoncer. Impliqué comme sous scoopé. Du 9 au 7, c'est écouté. Bang, se faire charge. On se 43 pour te finir. Si tu nous dois d'être, c'est horrible. Je reviens de terre, mais ça veille. Je ressors le matin, je veux pas être en paire. Pas les goûts de la couleur. Du rouge, ça fait un verre. On récupère ce qu'on a investi. Tous les hauts, tu lèves l'envers. Y'a que deux places dans une bécane. Et t'inquiète pas, ça va la faire. Je reviens sa première, j'ai gore. A tous les refrains qu'on enferme. L'arme blanche peut être ma Henken. Ouais, Belek, ouais, ma Henken. Tu connais l'importance de rien avoir. J'aime pas repousser les jazz. Si j'écoute mes sentiments, je vais laisser des corps à terre. Ce soir, je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir, je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre. Ce soir je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. Ce soir je ne dors pas. Remets de l'alcool dans mon verre. La grégousse des verres. La vodka des verres. Tu me rends du verre. Tu m'arrondes la chevelure du verre.